un père. C'est Oli. O-L-I. La Bible des petits. Je suis pas petit, je suis grand. Bonjour, je suis Alex Vizorek. Et Juliette Arnaud. Et Tom Villa. Et Solo Solo. On vous raconte l'histoire d'Opaque et Opaline, les deux chevaux du cirque. Voilà, voilà, notre grand spectacle va débuter. Bienvenue au cirque arc-en-ciel. Bienvenue les grands et les petits. Vous allez rire, vous allez trembler, mais surtout, vous allez être impressionnés par la qualité de nos artistes. Il y aura entre autres le formidable clown japonais Yamata Takiri, mais aussi les excellents trapézistes italiens Savolo et le lanceur de couteau iranien El Koup Salam. Et enfin, le clou du spectacle, notre duo de chevaux, Opaque et Opaline, que le monde entier nous envie! Quel beau programme pour émerveiller toute la famille. Et pourtant, derrière cette bonne humeur vendue par Monsieur Loyal, se cache un gros problème. Les deux chevaux stars du fameux duo Opaque et Opaline ne s'entendent pas du tout. Pire, ils se détestent, ne se parlent pas. Ceux qui, sur la piste, font de merveilleuses cabrioles, sautent ensemble au-dessus de barres enflammées et jonglent avec des cerceaux de toutes les couleurs, ne s'adressent pas la parole en coulisses. Tout ça parce que l'un est noir et l'autre blanc. Pourtant, Monsieur Loyal voulait dédramatiser la situation. Il essaya de parler aux deux cabochards. D'abord, il s'adressa à la jument, couleur neige. Opaline, dis-moi pourquoi tu ne parles jamais à Opaque. Je n'aime pas les chevaux noirs, c'est comme ça. Ce n'est pas très malin comme analyse. Mes parents m'ont toujours dit, ne fais pas confiance à quelqu'un que tu ne vois pas dans la nuit. Et donc tu n'as jamais parlé à un cheval noir? Jamais. Je travaille avec lui et ça suffit. Dans l'autre box, l'analyse était tout aussi absurde. Dis Opaque, pourquoi tu ne causes jamais à Opaline? Un cheval blanc? Jamais. Mais quel préjugé ridicule! Mais pas ridicule du tout! Je me méfie. Nous, les chevaux noirs, on le sait tous. Quand on est trop blanc, c'est louche. Et donc, on prend pas la peine de se connaître? Oh, ça va. Je travaille avec elle déjà. M'en demandez pas plus. Hein. Ils étaient têtus comme des bourriques. Ce qui, pour un cheval, n'est pas vraiment un compliment. Mais l'analyse qui énervait le plus Monsieur Loyal et qui revenait souvent dans le museau des deux était... Je n'aime pas les chevaux noirs, car ils n'aiment pas les chevaux blancs. C'est une évidence. Mais moi, si je n'aime pas les chevaux blancs, c'est parce qu'ils n'aiment pas les chevaux noirs. Tout le monde le sait, ça. Monsieur Loyal refusa de s'arrêter à cet état de fait. Il réfléchit pendant plusieurs jours. Comment concilier ces deux-là? Comment faire au moins pour qu'ils se parlent? Et un matin, en buvant son café au lait, il eut l'idée géniale. Il les convoqua tous les deux pour leur annoncer une grande nouvelle. Opaque, Opaline, votre duo est un grand succès. Oui. Mais quand on est au sommet, c'est là qu'il faut être créatif. Ne pas s'endormir sur ses lauriers, toujours se réinventer. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Allez-y, crachez le morceau, hein. J'ai décidé que votre duo deviendrait un trio. Ah. Dans 10 jours, un nouvel équidé qui viendra de loin va s'ajouter à vous et nous créerons un numéro qui marquera l'histoire. Un troisième, pourquoi pas, hein. Moi, je demande à voir. Très bien. De toute façon, l'ambiance ne peut pas être pire qu'aujourd'hui. Plus les jours passèrent, plus l'attente était grande. Qui allait se joindre? À quoi ressemblerait-il ou elle? Et surtout, personne ne le mentionna, mais tout le monde y pensait, quelle allait être la couleur de son pelage. Et le grand jour arriva. Un camion remorque fit son entrée dans le cirque. Monsieur Loyal s'approcha de la porte arrière pour libérer le nouveau. Hello! Voilà! Je vous présente Code-Barre, il nous vient d'Afrique. Bonjour à tous, je suis tellement heureux de vous rencontrer. Opaline et Opaque restèrent sans hennissement, subjugués par l'aspect du nouvel arrivant. Ils n'avaient jamais vu une chose pareille. Bah, dis donc, Il n'est pas trop chaleureux, votre accueil. Vous n'êtes pas content de me voir? Si. C'est la première fois de leur vie qu'ils voyaient un zèbre. Allez, tous dans vos box, on commence les répétitions demain. Parfait. Salut les amis, je m'en vais découvrir ma nouvelle chambre. Les amis... Ah, pour une fois, je suis d'accord avec toi, on n'est pas amis. Pas avec un truc qui se balade en pyjama ridicule. Faites pas ces têtes-là, vous deux. Allez, filez, demain, on bosse. Opaque et Opaline restèrent pétrifiés. Monsieur Loyal s'éloigna avec un petit sourire aux lèvres. Il savait qu'il venait de réussir son coup. Car, chose inimaginable la veille, les deux canassons ennemis commencèrent à se parler. Bon, il nous a bien eu. C'est pas un vrai cheval. Mais j'avoue, je m'attendais pas à voir un animal aussi improbable. Tu crois qu'il était blanc et qu'on lui a ajouté des lignes noires dessus? Ou qu'il était noir et qu'on lui a mis des lignes blanches? Je me suis posé exactement la même question. En tout cas, il est pas comme nous. Déjà, nous, on n'est pas les mêmes. Oui, mais au moins nous, la nature nous a choisi une seule couleur. Bon, pour toi, pas la bonne, mais bon, c'est pas grave. Mais c'est qu'il a de l'humour. Si tu m'avais parlé avant, tu l'aurais su. Hein. Attends, c'est toi qui me parlais pas. Non, arrête, c'est toi. Non, toi. Non, en tout cas, moi, je suis pas... Palot, là, comme un cachet d'aspirine. Hein. Eh oh ! Je suis peut-être palote, mais moi, je suis la noblesse. Ah bon ? Bah, tu connais la couleur du cheval blanc de Napoléon ? Bah non. Bah, blanc, c'était dans la question. Ah oui, je suis bête. Ces deux-là ont découvert qu'en fait, ils étaient un peu les mêmes et qu'ils avaient très envie de s'amuser ensemble. D'ailleurs... Opaque trouva une sombre excuse d'insomnie pour aller dormir dans le box d'Opaline, une nuit que je ne peux pas raconter aux plus petits. Mais il y a eu des bisous. Chut, beaucoup de bisous. Mais chut. Oui, bon, il y a eu tellement de bisous que... voilà. Et ce qui dure 9 mois chez les humains dure un peu plus de 11 mois chez les chevaux. 11 longs mois pour Côte-Barre, car les deux nouveaux amoureux se renfermèrent sur leur couple et refusaient de parler au gentil zèbre qui pourtant était la cause de leur idylle. Le temps passa et un jour, trop triste, Côte-Barre en parla à Monsieur Loyal. Je ne comprends pas. Mais je le vois, tu es triste. Oui, je ne comprends pas. Je voudrais m'entendre avec eux. Dis-moi, toi, tu te sens blanc ou noir ? Aucun des deux. Ah. Enfin, non. Plutôt, je me sens les deux. Voilà, c'est ça leur problème. Eux, ils ont accepté leur différence. Mais pas la mienne. Pas encore, parce qu'ils ne se sentent pas encore les deux. Ils me jugent, mais ils ne me connaissent pas. Si l'un d'eux était venu dans mon troupeau de zèbres en Afrique, j'espère que je lui aurais présenté mes amis, que je ne lui aurais pas fait sentir qu'il lui manquait des rayures. Enfin... On ne sait jamais ce qu'on aurait fait, mais ne t'inquiète pas, dès qu'Opaline aura accouché, ils te reparleront. Ah bon? Comment pouvez-vous en être sûr? Fais-moi confiance. Le sourire de Monsieur Loyal était rempli de certitude. Les semaines passèrent, le ventre d'Opaline grossissait. Ah bah dites-le, j'ai l'air d'un cheval de trait. Mais pas du tout, ma chérie, t'es resplendissante. Et la veille du grand jour, les deux tourtereaux eurent enfin la conversation qu'ils attendaient. Tu sais, Opaline, si le petit est blanc, je l'aimerais de tout mon cœur, comme je t'aime toi. Et moi aussi, tu sais, s'il est noir, je le chérirais et je serais fière qu'il ressemble à son papa. Mais il y a une hypothèse qu'il n'avait pas envisagé. Quelle surprise! Quand le petit poulain sortit, il était un magnifique mélange des teintes de ses deux parents. Tout acheté, comme si on avait jeté du yaourt sur une nappe de pétrole. Opaline et Opaque se regardèrent avec consternation, puis embrassèrent le petit avec plus d'amour qu'aucun d'eux n'avait jamais donné à personne. Monsieur Loyal lut dans leurs yeux qu'ils avaient compris quelque chose. Et il appela Côte-Barre. Félicitations à vous deux, les collègues. Les deux chevaux se tournèrent vers le zèbre avec beaucoup de honte dans le regard. Merci, merci mon ami. Ah, je croyais qu'on n'était pas amis. Oui, mais on aimerait beaucoup le devenir. Oh, mais j'adorerais. Mais avant, on voudrait te demander de nous excuser parce qu'on a été débiles, voilà. Seulement ? Non, on a été vraiment débiles. C'est mieux déjà. On peut le dire, on a même été complètement débiles, hein. Ça c'est oui, vrai. Oui, oui. Et on aimerait te demander si tu ne veux pas être le parrain de notre petit. Formidable, j'accepte. Et comme tu es le parrain, tu peux choisir son prénom. Oh mais, c'est trop de responsabilité. Non, non, non, vas-y. Et ton choix sera le bon, on ne le jugera pas. Comme il est un peu noir, un peu blanc, un peu blanc, un peu noir, je propose qu'on l'appelle Grigri. C'est parfait, Grigri. Et puis, chez nous, en Afrique, un Grigri, ça porte chance. Ça tombe bien, parce qu'il en aura besoin de la chance dans la vie, avec la couleur qu'il a. Tous ont ri ensemble à la blague de Monsieur Loyal. Une jolie fin pour cette histoire, mais je laisse la morale à un petit animal qui a observé tout cela depuis une poutre du chapiteau et qui n'a pas bien compris le problème. C'est vrai, je n'ai rien compris. C'est ce que je viens de dire. Parce que de toute façon, la couleur, on s'en fout. On peut pas lui donner tort à ce caméléon. Et maintenant, l'histoire est finie. Nini, allez. Zou, Oli. Non, une autre.